Elle est tellement. Je sais pas si c'est qu'à un moment où elle est rendue fragile, mais c'est rendu aussi qu'on fait un petit coup, on donne un petit coup de sa queue, on fait juste la poker, elle fait comme. Tu fâché, Ben, pas de temps, mais elle a l'air tout le temps vraiment sur. ouais. Ouais, non, ok. Ou tout Ok. seul, Fait que mais. mes chats font un peu ça, là, de si Ouais, t'es je pense touche, que c'est ils miaulent normal. automatiquement, mais. Ouais. À l'ouvrir, mes notes, mais à l'ouvrir la page d'anniversaire de mariage. 54, moi je dis que c'est de ponce. Ok, je te donne. Ok, là, c'est comme un jeu, là. Je te Ok. donne 5 possibilités de qu'est-ce que c'est. Ok. Puis, faut que tu devines c'est lequel dans les 5. Ok. Soit c'est anniversaire de Zibulon, Ok. soit c'est anniversaire de Zèbre, Ok. soit c'est anniversaire de Ziboulette. Ça a pas l'air inventé, hein. Soit que c'est Non. anniversaire de Zibeline, soit que c'est anniversaire de Ziboulonne. Zibulon, le premier. Non, c'est le quatrième, Zibeline. Mais non, Zibulon, c'est le band à Marc Derry. T'es qui, toi, Marc Derry? Ouais, qui chante « Je suis tanné de dormir sur le Ouais, c'est vrai, sofa c'est vrai. » hein, dans l'album « L'œil du Zig ». Qu'est-ce que... Hein? Bon, Nice. le gars, il coule son cours de philo 1, faut qu'il la fasse deux fois, mais il se souvient de cette niaiserie de même. C'est un champion, ça. Calice. Ouais, c'est parce que t'as clairement compris une vérité dans la vie. La vérité de la vie, c'est dans l'œil du Zig. Ouais, tu sais. Ah, C'est voilà. là que ça se passe, là. À part que je me souviens pas d'une crise de toune de ce disque-là, à part je suis tanné de dormir sur le sofa. Zébulon, hein. Zébulon, ouais. Zébulon. Ben, il y avait plus de tunes populaires du premier, Zébulon? là. Ah Ben, non, c'est c'est un peut-être groupe Zébulon. en anglais. Ça a l'air d'un groupe de metalcore, man. Ah non. Ah, ben, il y a les deux, hein. T'as. Non, moi, je parle du vrai, là. Ouais, retour sur Mars, Zébulon. L'œil du Zig. Oh, le pédophile cybernétique. Oh shit, on n'en veut pas, Hey, là. C'est le premier, il y avait Marie-Louise, il y avait les gars sont tous des machos. le cocu. Tu sais que hey, Mais c'est y a un loin, band là. Calice. genre avec des tunes comme Take Us There, ça a l'air. Oh. Oh man, c'est genre du gros. Ouais, du dubstep. L'autre Alors, Zébulon, c'est du dubstep? Zebulon, c'est du dubstep, ouais. Ok, bon ben c'est le fun parce que les deux bands Zebulon puis Zébulon sont un peu Ah! démodés les deux. Non, mais il y a aussi un autre album, Zebulon, qui est du hip-hop. Fait qu'il y a genre trois. Il doit y avoir trois bands Zebulon sur Spotify. Qu'est-ce qu'on se demande c'est lequel qui a le plus d'écoute entre ces trois-là? Ouais. Ben, c'est. C'est Zébulon. Mais viens pas trop tard. Viens pas trop tard. Ouais, avec un Ok, viens pas trop tard qui a 41 000 écoutes. 40, ouais. il y a ça qui est le fun sur Spotify, que les stats de même, il y a pas ça sur Google Play Music, puis je suis une pute à stats, puis ça me manque. Ouais, j'aime ça aussi. J'aimerais ça avoir des tops de Ouais. patins, ou juste mes Mais stats d'écoute à moi, là, tu sais. ouais, puis souvent ça t'aide, tu sais, pour les. Moi, j'essaye tout le temps des nouveaux trucs, là. J'écoute tout le temps comme plein de nouveaux bands, mais ça Ouais. aide, tu sais, d'aller écouter comme les 5 tops, puis au lieu d'être comme chaque album, il y en a des fois que les premières tunes, des trucs comme ça, c'est pas les meilleurs nécessairement. Sur Google Play, il y a les tops, mais t'as pas de stats. T'as rien. Ah Tu ouais, sais, ok, c'est t'as les vrai. plus écoutés. Si tu cliques sur un artiste, t'as au moins. Ah oui, ok, c'est Je sais vrai. pas combien de tunes qu'il y a, mais sont les plus écoutés sont au top normalement. Ouais. T'as juste pas. Ça peut être 4. Ouais. Tu sais, après avoir 4 views, les autres n'ont 0. Mike Ouais. views. Listens. Des listens. Des listens. En tout cas, t'as dit que. Là, j'avais pensé à quoi, mais je viens de l'oublier. Vas-y. Ah, ben, il y avait un concours la semaine passée, hein, pour trouver ce que t'avais oublié. Ouais, c'est Mais vrai, parce. il y a 3-4 personnes qui ont participé au concours de compter les sait-on jamais. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai pas vraiment compté combien qu'ils n'avaient, Moi fait que non j'ai plus. pas, y a pas de gagnant, là, puis y a pas de T-Rex. C'est anyway, que c'était pas vrai ce concours-là. Ouais. Là, je peux même chialer que personne participe, là, plein de monde participe, je fais rien. Fait que, ben, désolé, y a pas de T-Rex, là. Mais ouais. Je pense qu'on avait persuadé une coupe, mais qu'on avait un T-Rex. Hein. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, quand on dit des On affaires, avait juste un gros Rex. Ouais, c'est. Mais gros Rex, c'est pas légal de le donner dans un concours au Québec. Non. Non. Fait Mais que. c'est peu connu. C'est eux qui ont tué les T-Rex. Les gros Rex. C'est comme ça, c'est de là que ça part? Ouais. Puis les, y a-tu des plus gros rex que les gros rex? Les gigarex. Ben, c'est-tu le top, ça? Ah! Mon nez! Ça marche pas. Moi, tu sais, j'ai trouvé un jeu de mots avec rex qui pèterait tout ça, puis j'en trouve pas. Hein. C'est sûr que quelqu'un l'écoute, puis fait comme... Il y a quelqu'un allumé, puis il crie à son, à son écran de téléphone. Ah ouais, clairement. Comme... C'est un mot-là, Chris! Est-ce que vous êtes poche? Ouais, ben, c'est pas... Non, c'est pas... En tout cas, c'est pas fructifiant. On créerait une pénurie de fruits. Ah oh ouais, hein? Cette blague a porté fruit. Ouais, c'est une utilisation qui était pile-poil dans mes cordes. Fait que... Bon, ouais, 54! On peut... Je pense qu'on peut starter ça, ce show-là. Yes. T'as des sujets cette semaine? Ben, j'ai pas autant de notes. J'espérais que tu en ailles plus, là. Moi, j'ai une couple d'affaires, puis... Ah. Ça va-tu? Oh, man! Mathieu? Ah bon? Eh merde, réveille-toi, Chris. Réveille-toi! Ça a l'air bien sûr. Merde, tu vas pas mal, ça. J'ai failli faire un appel d'un T-Rex, mais je me suis dit, ça va être trop lourd, c'est trop tôt déjà. Ouais. Je suis pas assez dedans pour que ce soit bon. Hein. Non, c'est ça. Ah, on a un appel. Oh shit, allô, appel, on a même pas dit salut à personne, pis ça appelle. Allô? Maman? À qui qu'on parle? Je suis le T-Rex de Stéphane. T'es sûr? Ça a l'air impersonnel de façon que tu me dis que c'est à moi et que c'est moi qui te parle. C'est moi, Stéphane! T'as le même nom que moi, Stéphane T-Rex? Stéphane le T-Rex? Non! Je suis ton T-Rex! Ok, ben, j'ai pas participé au concours. C'était-tu pour quelque chose? Non! Un astéroïde! T'as-tu des petites pattes? Bon. Yeah, tu compris que c'était pour ça que je voulais pas en faire? Mais t'as dit peut-être qu'en le faisant, je vais trouver une twist avec le fait que c'était ton idée juste avant, mais non! Mais j'ai pas aidé. J'ai juste gâché. J'ai pas joué avec, en fait. Ouais, il y avait rien à faire avec ça. Il y en a qui font plein de succès puis font crier. Comme Monsieur Cripoule. Monsieur Cripoule. Hein? On n'en parle pas assez de M. Cripoule. Commençons l'épisode en disant vite. Départ. C'est le nouveau segment, dire des poireaux vite. Cette semaine, on le fait 4 fois. La semaine prochaine, on monte ça. Ouais. T'avais 2 bières sur ton bureau ouverte. Non, je viens d'ouvrir une deuxième. Non, ben, mais des fois je m'en amène 2 parce qu'elle achevait, fait que je me suis dit, oh fuck, elle est plus chaude, mais écoute. Fait que le jeu de la semaine, si vous voulez nous envoyer non, je peux pas partir à un autre concours. Non. Envoyez-nous vous qui dites poireau le plus vite possible. Tu sais, à un moment donné, faire des faux concours. Ouais, c'est dangereux, c'est comme les faux appels, ça. C'est quasiment illégal, je crois. Hey, j'ai trouvé sur mon. Hey, je m'appelle Stéphane! Non, mais pour vrai, c'est vrai que toutes les affaires que je commencent par « Hey! » Je l'ai remarqué la semaine passée, man. Ah, moi, ça fait longtemps que je l'ai remarqué parce que je fais le montage. Hein, fait que à chaque fois... Ouais. Mais à limite, c'est pratique parce que je sais quand je dis ça, c'est un début de quelque chose. Hey! Puis, ben, c'est ça. Fait qu'au lieu d'avoir une petite musique transitoire comme on avait des fois avant, ben, c'est moi qui fais « Hey! » Hey! Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que des fois, ça s'en va pas. Hey! Ouais, c'est ça. Ben, j'ai volé ça de cette chanson-là, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'on n'en parle pas à personne, là, parce que, tu sais, en tout cas, nous autres, on les droits, pis tout. Hein? Bon, oui, c'est ça. J'ai vu sur mon téléphone tantôt que j'ai une application pour enregistrer des mémos. Ah. Mais j'ai aussi. Je peux faire un speech to text. Puis je trouve ça vraiment hot. Mais là, j'ai juste français-France. Mais là, ce que je voulais faire, c'est que je voulais comme compter une mini-histoire, l'enregistrer, puis voir qu'est-ce que ça va écrire, puis après ça, lire ça. Hey, ça va peut-être être crissement fucking plate. Ah, puis je veux le lire. Tu veux le lire? Ah, ben, je vais te le copier. Ok, je te le mets sur Slack. Ok, on fera. Okay. On va lire théâtral. Setup. Okay. Ah, man, oui, ok. Mon histoire va comme suit. L'autre jour, je portais deux bottes. Ma botte droite, pour la chance, et ma botte gauche, qui est la botte de mon grand-papa, Babu. Il m'a dit, quand j'étais jeune, « Tu sais, petit gars, pas rien que ça marche, tu vas pire. Moi, j'avais une boîte ici, j'ai une jambe. Là, je pêche, puis là, je prends un canapé. Là, je pêche, puis je prends les poissons. Lâche la ligne à l'eau, et se met un verre. Puis là, se met pas de verre, ça va pas bien, mais... Ben, il y a la mouche, si. Moi, mieux éveille. Là, tu pêches, je ramène ta ligne. Oh, ben, puis là, je te dis ça, ben, oublie pas ça, mon petit gars. Dans la vie, des fois, t'as des pêches, des fois, t'as des bananes. » Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait « Wow! » Ça, là, j'ai pas tout pigé, mais je savais qu'à un moment donné, probablement avec Jay son âge, je vais comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire avec ses petites bottes. Et c'est là toute la leçon de l'histoire. J'ai grandi, j'ai maintenant 46 ans, et je travaille dans un truck stop. La belle vie. Merci. Au revoir. C'est bon, genre de lire ça. C'était inspirant, hein? Oh, ça oui! Ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est clair que le bout du pêcheur, on comprend. Ah ouais, ça va être atroce. C'est pour ça que je voulais. Parce que j'ai pas lu c'était quoi. Ok. L'autre jour, j'ai porté deux bottes à ma droite pour la chance. Elle, ma botte gauche, qui est la botte de mon grand-papa. Début, il m'a dit quand j'étais jeune, 7 gars par et ça va se taper moins. Et avait une boîte si une âme de constitution, le 1. Qu'on n'a pas eu plus d'un, il faut pas, et poisson de l'eau. Et je me réveille plus, mais pas de faille avant un bon, mais pas à moi. Aussi, 8100. Alain Robin Bleu, aujourd'hui, je ne vous oublie pas sur mon petit gars d'envie de photo de banane. Comme un médecin, j'ai 23 saluts, c'est pas pigé. Mais j'avais m'emmené avec Jess en A, et je veux comprendre que, et que ce soit, et celle de la naissance d'histoire. J'ai grasi, j'ai maintenant 46 ans et je travaille dans un truck stop. La belle vie, merci, au revoir. Et que c'est ce qu'on appelle un segment réussi, hein? Mais c'est pas de point. Non, c'est ça, exact. C'est pour ceux qui se demandent, voyons, si Mathieu qui est pas capable de lire la ponctuation, non, c'est l'application de Mémo fait pas de point. c'est un peu de la crise de boîte. Je sais pas si. Penses-tu, moi, je peux t'enregistrer, mettons, de mon écouteur? Sûrement. On va essayer. Je vais le partir. Ben, t'es-tu inspiré? Je passe ça dans... Ouais, ok. Ok, ben là, tout ça est enregistré aussi, mais fuck it. Hier, j'étais allé au magasin. C'était dans un Urban Planet. Je suis rentré. Il y avait des pantalons en rabais. J'étais avec mon père, puis là, mon père, il check. Il fait « Hey, Chris! Y'a déjà des trous là-dedans, moi, j'achète pas ça! » Puis là, on est ressorti. Il m'a crissé une claque en arrière de la tête. C'est tout. Ton histoire est plus concise. La mienne était peut-être un peu trop longue pour les biens de l'activité. Ok, fait que là, je rappelle que ça l'a enregistré un petit peu plus tôt que le début de l'histoire, fait que ça se peut que le début ait aucun crise de sens. Est-ce qu'il a A, ok, la dernière suite enregistrée aussi, et A est allé au magasin, et c'est dans une urbaine planète sur entrée, et il y avait des pantalons à rabais. Et avec mon père, le montagne, elle fait et Chris, jeudi, truc, la dame. Et j'achète Pozos et un, et comment ma cuisine quand à la tête, c'est tout. C'est moi, il a botché ça, là. Ouais, il coupe des mots, même. Il a fait une chose qu'il dit dans le cul, là, comme... C'est comme quelqu'un qui tape, tu sais, il fait un transcript de quelque chose, puis... Oh, non, ouais, c'est pas grave, y'a pas personne qui est en train de lire présentement, là. Ouais, je l'ai pas entendu, vraiment. Skipper deux, trois phrases, pas grave, là. Ben ouais, c'était la fin de ce segment-là. C'était plate en crise. Ben non. Désolé, je pensais que ça allait être au moins un minimum. Là, 54, ça s'enligne pour être le pire depuis des lustres, là. Ben non. C'est sûr que si on commence à dire que c'est le pire, ça va être le pire. Alors ben, arrête de chialer, ils vont continuer. Justement, si je le dis, ils vont faire comme Chris, il avait raison, c'est un devin. Si je le dis pas, ils vont faire Chris, et moi aussi, il dit tout le temps d'habitude, il l'a pas dit, il pense que c'est bon, gros cave. Je sais pas, moi, je veux pas prendre de chance. Je pense pas que personne pense qu'on est bon. C'est une phrase plus compliquée que ça? Vas-y donc. Je pense pas que personne de plus que la personne. Non, je sais pas, ça veut plus rien dire, rendu là. Hey, tu vois, c'était un début de quelque chose. Ah, c'est ça. Hey, ah, t'as un autre sujet. Hey, Ben, sujet, c'est des gros guillemets, là. Hey, c'est-tu moi ou c'est lourd en crisse aujourd'hui? hey, Tu m'as mieux que moi. veux-tu, ok. Veux-tu oh faire... non, je laisse tout. Ça, ouais. J'ai du genre, j'ai juste genre une phrase. Aïe, je laisse tout. Ouais, ok. Ben, ça je garde tout. Oh, qu'est-ce que c'est lourd. Je peux pas garder de t'imiter. Ben, moi non plus, je t'en ai essayé de penser à comment je te ferais, comment je t'imiterais, je sais pas. Je m'appelle Mathieu. Ben, c'est ça, j'allais faire de quoi de niaiseux. Genre, je suis Mathieu. Tout le monde. Ouais, je m'entraîne. Je suis donc en shape. J'ai les cheveux longs. T'as-tu le plus plate de cette imitation pote? Imagine, j'ai des yeux! Imagine l'imitateur qui fait vraiment des shows de type comme « Ok, je vais me faire Eric Lapointe. Je porte du cuir. Des bag. Je chante... avec bon une nom. Voix rauque. je chante avec une voix rauque. Il dit ce qu'il fait, mais il le fait pas. Oui, c'est ça. Bah, mais je fais des longues phrases. Bon, ok, ben tu sais, ouais, pour dire que... En fin de semaine, dimanche passé, c'était le tour de Lille. Une affaire de vélo qui se promène dans la ville. Pis le parcours de ça, il est assez gigantesque parce qu'il barre plein de rues. Pis ça, je t'avoue que j'aurais peut-être... Il est gigantesque que... parce qu'il barre des rues? Je sais pas si c'est Chris, mais il en barre beaucoup, genre. Pis ça donne non, que... Nous autres, dans c'est moi qui étais têteux, man. C'est dans ça, non, il est gigantesque, je sais, mais parce qu'il en barre beaucoup, mais c'est, il en a barré beaucoup parce qu'il est gigantesque. Mais je sais, mais j'avais pas de follow-up où je pouvais pas me défendre là-dessus. J'ai juste fait, ok, je vais continuer la conversation. Là, t'en viens là-dessus, Calis. Ben oui. Mets le doigt dessus, là. Montre mon erreur à tout le monde. Je vais remettre ce bout-là en boucle. Je suis désagréable. Tu le mets 4 fois en boucle. Et le parcours de ça, il est assez gigantesque parce qu'il barre plein de rues. Il est gigantesque parce qu'il barre des rues. Et le parcours de ça, il est assez gigantesque parce qu'il barre plein de rues. Il est gigantesque parce qu'il barre des rues. Et le parcours de ça, il est assez gigantesque parce qu'il barre plein de rues. Il est gigantesque parce qu'il barre des rues. Et le parcours de ça, il est assez gigantesque parce qu'il barre plein de rues. Il est gigantesque parce qu'il barre des rues. Ok, je l'ai mis 4 fois en boucle, là. Fait que, là, on vient de sortir de la boucle, là, c'est fini la boucle, là. C'était le concept de, de la boucle. Là. C'est aussi long que le tour de Lille. Ben, Chris, ok, ben c'est ça l'affaire. Je sais pas c'est quoi exactement le parcours, mais ils ont barré plein de vues à travers plein de petits quartiers de Montréal. Puis ça donne que Saint-Henri était comme dans le milieu de ce petit tapon-là. Puis c'est comme si on était dans un triangle des Bermudes de tabarnak, là. Pour vrai, tout ce qu'on voulait faire, c'est faire notre routine du dimanche, aller s'entraîner puis aller faire l'épicerie après. Pis man, on a perdu 2 heures à tourner en rond parce que toutes les rues, toutes les artères principales pour se rendre, pis d'habitude, on fait juste se rendre à la salle, que c'était 10 minutes, là. Pis toutes les artères principales pour se rendre là, Newman, pis machin chose, pis Monk, pis c'était tout fucking barré parce que une rue après, ils faisaient le tour de l'île avec tous les vélos. Fait que c'est ça, toutes les rues principales étaient barrées, fait que il y a tellement de rues barrées qu'il n'y a pas de pancarte de détour, il n'y a rien. Fait que tu te promènes un peu, tu sais pas trop où tu t'en vas. Puis tu demandes au policier comme, ok, bon, ben là, tout est barré, mais si je veux me rendre à telle place. Qui est genre, tu le vois, ta destination, ta voie à l'autre bord de la rue. Ouais. Mais tu peux pas te rendre parce que, crise de vélo, faut que tu fasses tout le tour de la ville au complet. Puis là, tu demandes au policier, il fait comme, ben, tu vas par là, tu tournes à gauche, tu retournes à gauche, puis tu vas arriver là. Puis ça, on a fait ça la première fois. Pis ses directions t'es même pas bonne. Pis on t'a revenu comme en arrière de lui sur la rue barrée. Fait que même lui, il savait pas. Pis on a demandé à 2 autres policiers pis il faisait comme bon ça pour essayez par là pis à un moment donné vous allez déboutir sur quelque chose. Mais hein, Chris, parce que je comprends que c'est le fun de faire du vélo comme ça, là, mais il y a quelque chose qui marchait pas dans la façon que c'était organisé. Là, tu peux pas juste barrer tout pis là t'attends à ce que tout le monde. Mais j'ai vu passer un article, c'est aussi à cause des travaux, là. Ben c'est ça, en plus, c'est ça, exact. Ouais, c'est déjà ce que qui fait déjà que dans ça a été dur. Dans le bout aussi, tu sais, on habite juste où l'échangeur se trouve, fait que c'est déjà la crise de boîte tout le temps, là. C'est tout le temps construction partout, puis c'est tout le temps nouveau, et t'as toujours des nouvelles rues barrées. Puis là, en plus, t'avais ça qui barrait à cause des vélos. Fait que, tu sais, c'était comme, on un peu plus, puis on dirait qu'on pouvait même pas retourner chez nous, là, de la façon que c'était fait, là, comme s'il y avait plus de chemin. Ouais. Tu sais, fallait refaire un détour, fallait remonter sur l'autoroute, leur sortir par une autre sortie, par revenir à l'envers pour faire un chemin, tu sais, en une heure qui aurait pris 10 minutes, là, c'était n'importe quoi. Parce que j'espère, s'il y a du monde qui nous écoute, qui sont allés faire du vélo, j'espère que vous avez eu du plaisir, là. Mais moi, à la clim, dans ma voiture, j'ai pas aimé ça. Je dis ça comme si je conduisais, c'était ma blonde qui chauffait, là. Ah! Ben, en fait, elle chauffe, puis il y a de l'air climatisé. Un peu redondant. Ouais, mais. Oh! Hey, ça, c'est un assez grand clash de température. Hein? Non, mais faut dire, non. Au début, je conduisais, mais j'ai fait comme, je suis pas assez à l'aise pour savoir où je m'en vais dans cette clusterfuck-là. Ouais, ouais. Puis là, elle a finalement pris ma place. Puis finalement, c'était elle à la fin qui était sur le bord de craquer. Puis j'ai fait comme, ok, j'aurais pas été capable de faire ça non plus. Ouais. Petite grognière. Non, c'est chiant, ça. Tourner en rond. Tu sais, quand t'as refait deux, trois fois le même bout parce que t'essayes de tourner une place, puis tout est barré, là. C'est assez triste, là. Ouais, en tout cas, tu vois que je suis bon en Chris compter des anecdotes, hein. Même ben, si on a compris, puis ça finit. Ben, si t'avais pas chialé, on se serait pas dit ça. Ben, c'est pas important. Si j'avais pas chialé, c'est dimanche passé, puis l'épisode sort le lundi d'après, la deux semaines d'après. C'est déjà moi, trop c'est rendu, man. J'en laisse plus passer. Je vais chialer à chaque fois que tu chiales. Ça va être lourd. Yes, ben fais-le. Moi, j'aime ça. Je pense qu'on a plus de millage à faire avec ça qu'avec mes trois autres notes qui me restent. Moi, j'ai rien, man. J'ai une liste de trucs que j'ai acheté dans l'épicerie en vrac parce qu'il faut noter les... T'as-tu déjà fait un peu d'épicerie dans des magasins de vrac? Pas tant. À chaque fois que je vais dans un bulk barn, je fais juste acheter plein de cochonneries puis des pieds. Tu sais, les Bigfoot. Ouais, ouais, ouais. Bref, c'est que t'arrives avec tes plats, tu mets des chiffres dessus, fait qu'eux, ils pèsent ton plat puis ils mettent l'argent que t'as... Le poids que t'as pas à payer parce que c'est le poids de ton plat. Ok, ouais, c'est le genre d'affaire. J'ai acheté des abricots nature, d'autres abricots, mais eux sans sulfate, fait qu'ils sont bruns. Ouais, les hosties de sulfate, hein? Ouais. Mais les natures, ils ont des sulfates, eux autres? Non. Oui, pis ils sont oranges. Ok, parce que quand t'enlèves le sulfate, ils sont bruns. Ouais. Si t'enlèves le sulfate, c'est crotte au fromage, ça fait la même chose? J'ai-tu, ouais. Ah ben, on l'essaye, expérience. Monsieur Cheetos. J'ai pas fini ma liste, Stéphane. Ah, ok, excuse. Les bananes séchées, des mangues, puis du rase la noun. C'est tout. Raser la noun. Ça t'as dit? Rase elle à noun. C'est tout, genre, c'est une épice pour le... J'étais quand même dangereusement proche, là. Ouais, ouais. C'est genre de l'épice pour faire du genre de tagine. Hey, on a un appel. Là, c'est une marde comme segment, je pense ça me fait sonner crissement genre péteux, là. Hey, moi, j'achète une ratée de la nuit. j'allais le dire, mais là, on était rompu par un appel. Là. Ah, allô? Hey, c'est moi, Chester! Le Cheetos des Cheetos, yeah! En mangez-vous des Cheetos, ah, monsieur? Ah, c'est mon alimentation! Tu m'as pas vu dans les pubs, j'ai un gros Cheeto, je le mange! J'ai mes lunettes, moi, dans la maison, je les garde! Oh, ok, je voulais juste préciser, le sulfate, pas rapport avec les... Quand t'as vraiment... tu peux pas rendre ça brun, là, c'est pas... Mais moi, j'ai déjà entendu le monde... La seule façon de les rendre bruns, c'est de les chier! Ça a l'air que les Cheetos, c'est dur sulfate. Oh, ça, regarde. T'as-tu vu ma taille de guêpe? Ben, vous étiez pas un léopard? Je suis un léopard, hein? Un léopard, cheetah, un cheetah. Un guépard. Guépard? Oh, non. Moi, j'suis un mâle alpha pard, moi. Oh! Rad! Là, je voulais faire en même temps... promotion de nouveaux produits, des Cheetos au ultra fromage. Ils ont beaucoup de fromage. Si vous voulez aller sur le site, vous allez sur radcheetos.com/rad. All right, merci, monsieur Cheetos. Oh, fait plaisir. Wow! Malade. Mais moi, je suis content. Moi, je l'aime, monsieur Cheetos. J'avais un jeu de Genesis... avec Chester joué. Cheetah, Too Cool, Too Fool. Oh, oui, ça joue sur l'attitude. Que ça fait 90. C'est attitude as fuck, mais c'était un jeu de platformer qui était Non, il était vraiment pas bon. Mais je l'aimais quand j'étais jeune, mais là, probablement rejouer, je ferais comme, ouais. Oh, c'est dégueulasse. Ça, pis Cool Spot, Junkie. Man. C'est Cool Spot aussi, genre le truc de 7-Up. Mais ça a le même genre d'attitude, là. Ouais. Tu sais, genre, j'ai une patente. Claque. Avec ouais, qui lunettes. Claque des doigts, genre, c'est comme si c'était cool ouais, de claquer ça, des doigts. Tu fais une pause d'attitude, tu claques des doigts, ouais. Pis t'es tout désolé. Prends pas grand-chose. Ben, tu es tellement cool, oh ouais. Genre, comme, arrête, c'est quoi ça? Ouais, claquer des. Je sais pas, hein, ouais, pourquoi tu claques des doigts? Ça a vraiment été cool, claquer des doigts, genre. Ben, je sais pas. Hey. Non, moi, je suis même pas. Toi, t'es capable. Moi, je suis pas tant capable. Ben oui. Ouais, mais c'est pas un boom. C'est pas. Non, c'est pas. C'est dégueulasse. Peux-tu des deux mains? Non. Moi non plus. Ah, c'est-tu de beau segment, hein? Ah! Bah. Ma main gauche sonne comme ta main droite. Ah, ben, c'est ça. Tu vois comment que je claque des doigts comme un handicapé? Ouais. Martin Deschamps, pas capable de faire ça. Qu'est-ce que t'en sais? M'endrai au rat de la rue Chambord. Je claque des doigts d'orteil aussi. Tu claques des quoi? Ben, on l'entendra pas super fort, là. Ben, fais-le, hostie. Attends. Tu claques ou on dirait que tu donnes des coups sur le micro plus que d'autres choses? Ouais, non, c'est ça, ça marche pas. Regardez, je peux le faire avec mes coudes. On l'entendait pas bien, je l'accrochais, là, ben. C'est que. Désolé, j'espère qu'au montage ça va bien sonner. Pourquoi ça me fait t'en rire? Bon, ok. J'ai chaud. Hey! J'ai rien, je voulais juste le faire. Ouais. Hey! Est-ce que quelqu'un qui peut avoir ça comme sonnerie de message texte? Ouais. Hey! Oh, j'ai un texte. Ton père est mort. Bon. Hey! Oh, c'est pas vrai. C'était juste une indigestion. Hey! Hey, man, c'est rocambolesque, ça. Hey, garde, j'essaie de faire des scénarios, là. Toi, t'as rien dans tes notes, là. T'as pas ton outil d'épicerie. Ah non, cette semaine, j'ai absolument. C'est pas fin j'ai par acheté, tout. J'ai acheté mes noix de Chamblog. j'ai vu ça sur dans le livre de Grand Cheyenne. Il dit la poudre de santé du mix. Tabarnak! Le pire, mais c'est. Mais l'affaire, c'est que c'est absolument pas fancy. C'est genre, tout goûte un peu pas pareil, mais ils ont tout le goût du magasin. Genre. C'est comme c'est moins. C'est comme au c'est Subway. C'est moins fin. Comme au Subway, tout goûte le Subway. Ouais. Prendre un sandwich au poulet, il goûte pareil comme l'autre. Ouais, non, ça goûte quand même crissement différent. Ben, ça dépend aussi beaucoup de la sauce que tu mets. Ben, c'est ça. Ça goûte la sauce puis le pain. Ouais. C'est bon, mais j'ai le goût de manger du Subway. On y va là? On y va là, on va manger ce bruit, on s'enregistre. On enregistre voir ce que ça fait. D'après, ça aurait sûrement été meilleur que ce qu'on fait là. Sais-tu, parce que. On aurait peut-être rencontré quelqu'un au Subway. Ouais, peut-être. Un allô, employé ah. Modèle. On a un appel. Un appel, hop. Allô, les services de caractère mou. Bonjour. Oh, shit. On joue un peu avec les attentes, hein. Ça va, monsieur? Madame, à qui je m'adresse? J'aime mieux qu'on ne définisse pas mon sexe. Je te laisse le découvrir, Stéphane. Moi, en tout cas, la dernière fois que quelqu'un me dit « je te laisse mon sexe », ça c'est pas bien fini. Je te laisse le découvrir. Ok, ok, c'est bon. Je te laisse pas, il est à moi, ce sexe. Ben ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben là, je peux pas dire monsieur, madame, je dis quoi, chose? Vous pouvez m'appeler Galaxy. Galaxy? Ah, oh, tabarouette, on rit pas. Galaxy, donc, ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Peux-tu te rendre service? As-tu quelque chose à plugger? En fait, je suis dans un rêve, je crois. Bah oui, parce que je pense pas moi de naître un. Je me suis endormi et là, je suis ici, je ne comprends pas. Aidez-moi. C'est pas que, est-tu récurrent d'arriver à quelque part dans un rêve? Qu'est-ce que tu fais dans vos rêves d'habitude? Je vais vous avouer, c'est la première fois. Ah. Oh. Je crois que ce sandwich au jambon est un peu vieux. Ça sonne comme tous les personnages que vous avez déjà eus. Je crois que je rêve à vos épisodes d'antan. Ça se peut, hein. Vous avez les deux tonalités que tous nos personnages ont à date. Mais c'est familier. Moi, j'aime ça. Je me sens chez moi, là. Mais il y a quelque chose de profond à aller chercher chez vous. Galaxy, vous faites quoi dans la vie à part de rêver? Je rêve, je bois de l'eau et je chante avec les oiseaux. Ah, c'est-tu vous, l'album des oiseaux qui chantent au centre d'achat? C'est moi, en partie. Il y a aussi la nature qui fait partie de cet enregistrement. Ouais, c'est moi. Je ne fais qu'un avec la nature. Ah, c'est-tu enregistré en même temps, ça? Est-ce que quelqu'un joue de la musique avec les oiseaux autour ou quelqu'un qui joue de la musique, mais à un moment donné, il fait comme Chris, on va chercher une banque de sons d'oiseaux? Non, c'est moi, je joue de l'oiseau. Toutes les oiseaux, puis t'es taponne un par un. Exactement. Ben, ça donne moins plus. Vous êtes un oisiste aussi. Ouais, ben, je peux t'imiter plein de sons d'oiseaux comme le roussignol. Puis le pigatoire. Là, il sonne plus comme le singe dans Kikung 64. Hein. Lui avec les longs bras. Me parlez-vous de jeux vidéo, désolé. Ah non, Galaxy je ne joue pas à ça et je vais dans des épiceries fines, moi. Ouais, ben, c'est correct. Vous entendrez bien avec Mathieu, hein. Lui, il est fancy. Lui, ses sujets de podcast, c'est d'écrire sa liste d'épiceries de noix, de noisettes, de Saint-Anne, de je sais pas quoi. Je voudrais préciser qu'il n'a pas parlé de noix. C'est quoi l'affaire de sulfate, là, des plein de brun? Ce n'était que des fruits séchés. Ben, moi, les fruits séchés, là, je connais pas tant ça. Moi, un fruit séché, c'est comme une... Bon, allez, je m'en vais, je me réveille. Bon réveil, Galaxy. Tabarnak, c'était de loin de mes pires. Galaxy, je l'aimais, moi, j'aurais fait une demi-heure avec. Ben, si je me suis dit, je vais le prendre plus lentement. Au pire, ça te fera de quoi, mais... C'est jamais parti. Non, mais je pense que c'est moi qui n'est pas capable de t'amener quelque part avec, je pense. Je sais pas. Mais non, mais c'est surtout pas tout le temps juste sur ce qu'on vient juste de parler quand je fais des affaires, là. Mais c'est parce que c'est des add-ons, ils appellent, puis ils savent dans leur... Lui, il rêve, il contrôle tout ça, tu penses? Attends, on pourrait... Attends, on le réessaye. Galaxy 2? Ouais, on recommence, je vais essayer une autre voix. Ok, mais appelle-le pas Galaxy. Moi, je garde Galaxy 1. Là. Moi, je garde ça. C'est tout bon. Là. Pour moi, on n'aura pas une heure. Si tu veux le garder. C'est pas grave, ça, on n'a pas une heure. Moi, je préfère que ça soit plus court, mais meilleur que... Ouais, ben là, tu jugeras, mais il a l'air... Il est pénible. Ok, ben... Je comprends pas, man, comment faire une autre voix, genre. C'est comme... Hey! Hey! Je vais être... Ok, check bien, je vais t'en faire une petite voix, moi, ok? Ok. Ok, là, on a un appel. Ok, ouais, allô? Je vraiment pas quand on se revoit au parc. Parce que moi, quand je me rends au parc, il y a plein de monde. Puis je m'en vais avec ça, puis je fais... Puis je vais enlever ses balançoires, puis je vais faire... Ah, tu vois, lui, quand tu... Lui, jamais vu, hein? Non. Ben, c'est un peu Monsieur Q-Tip sur l'acide. Hey, ça se peut-tu? Ok. Hey, il y a un appel, je pense. Bastille de Baladon, ça, après l'appel de l'autre qui sonnait comme un écureuil. Allô, bienvenue au sorbet du caractère bout. Hey, Oh, shit, c'est moi-même, ça, c'est qui? Hey, C'est OneNote en Chris, hein? Non, mais moi, j'ai de quoi à vous dire, ouais. Là. Oh, oui, ben, go. Vous, là, les deux petits sorbets. Ouais. On se calme? C'est quoi ça, des appels de même? C'est quoi votre forfait? Moi, ça me coûte 20$ par mois, 5 appels. Non, c'est mais... que vous prenez ça. C'est soir illimité, hein? Ouais, mais moi, je dors. Ben, mais soir, Chris, tu dors ça à 5h? Ben... Tu fais dans... Tu travailles-tu de nuit, quelque chose? Oui. OK, là, il est 8h43, là. On est le 8 du 6. 8 juin. Et là, nos appels sont gratuits, hein. Vous avez découvert mon personnage, oh, je suis désolé. Galaxy, vous êtes un as à des voix? Oui, je découvre mes pouvoirs, je crois que je contrôle les songes. Les songes? Mais là, c'était pas vrai votre réveil tantôt, vous êtes encore en train de dormir? Ouais. J'imagine que oui, je suis perdu. Moi, je vois tout en noir autour de moi et je vole. C'est un rêve lucide. Là. Fait que là, la seule affaire que vous pouvez faire dans votre rêve, c'est de nous appeler nous. Oui, j'ai... C'est un cauchemar. Je suis désolé. Hey, j'espère. Je voulais écouter Radio-Canada et savoir un peu pour l'art et les pièces de théâtre à venir, les albums de classiques et tout. Les balados. Oui, les balados de diffusion, mais il n'y en a pas beaucoup de bons. C'est tout underground. J'avais dit ça avec beaucoup d'amertume. Galaxy, là, il y a quelque chose que... J'essaie de faire apparaître des femmes nues, mais ça ne marche pas. Non, ben écoutez... Non, aide-moi. Non plus, quand je me rends compte que je contrôle mes rêves, je peux plus faire apparaître rien, c'est de la crise d'amour. Moi, normalement, c'est aussitôt ça tourne au sexe et je me réveille quand je viens. Ben, je peux-tu te dire que tu te réveilleras peut-être pas tout de suite, là? Faut-tu que tu viennes pour que tu te réveilles, là? Je me sens mal de te laisser dans les songes, là. Oh, attends, j'essaie. Ben, attends, on va... Je peux-tu... Veux-tu que... Je te dise des choses, quelque chose? Oh, allez, allez. Okay, parle-moi, parle-moi, sale. Ok, ben, sale, ok, sale. Hey, ma grosse cochonnerie, toi. Hein? T'aimes ça, hein, se faire parler de même? Détritus? Non? Allô? Allô? Je suis encore dans les songes, mais maintenant, il y a de ma semence qui flotte. Ok, donc... Fait que là, c'était un addon. Fait que c'est, ça vous prend d'autres choses pour réveiller. Là, c'est bon. Nous et moi et Mathieu, on n'a rien à soir. On va passer sur votre con. On va essayer de vous... vous aider à vous réveiller. Est-ce qu'il y a sûrement de quoi à faire avec ça? Y a-tu quelque chose, un souvenir qui pourrait être trigger? Ou tu sais, quand tu essaies de te débattre ou quelque chose... Des fois, on dirait que quand on essaie de réveiller quelque chose de trop précis, on n'est pas capable de l'imaginer puis on se réveille. Non? Vous m'avez perdu, Stéphane. Mais j'essaie des affaires, là, Galaxy. Quelqu'un qui pense profondément, mais vous avez. Chris, j'essaie de t'aider, Galaxy, sincèrement. Trop profond. Trop profond, Chris. Toi, t'es d'un songe, tu te réveilles pas, puis tu nous appelles. Garde, je vais t'aider, là. Essaye de. Essaye de penser à quelque chose de compliqué, genre. Une ville au complet, tout le monde, puis essaye d'interagir avec. Essaye de voir si, ça, si tu vois tout ou si tu vois rien. Je suis à une table devant ma mère, c'est tout. Ah, parles-tu? Non, elle n'a pas de bouche. Elle n'a pas de bouche. Peux-tu, toi, tu... J'ai un couteau pour toi. Comment envie de te dire allez, que j'ai j'essaie. Une bouche? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose? Oh, je crois que je peux voir ma ville d'enfance dans sa bouche. Allez, j'y vais. 30 carrés dans la bouche? Hey, y a de quoi? Il se passe de quoi avec Galaxy, là? On va... Tu vois ta ville d'enfance? Non, maintenant, je suis sur une grosse pomme. Je ne comprends pas. Ça a changé. Alors, fait que t'es pas... C'est pas ta ville d'enfance, c'est pas une grosse pomme, là? J'ai pas un énorme contrôle, je crois, sur ma pensée. Ben, attends, une pomme. Il y a peut-être... des fois, il y a des vers de terre dans les pommes. Peux-tu... check donc s'il y a un trou. Tu pourrais peut-être jaser avec un vers de terre, quelque chose? Allez, je vais commencer à manger la pomme, je vous rappelle. OK. Fait que... Hein? Moi, j'ai dit juste checker les trous. Lui, il mange de la pomme au complet. C'est une pomme géante. Elle va exploser, pauvre monsieur. Ben. Qu'est-ce que t'en penses de Galaxy, toi? Je suis pas sûr si c'est lourd ou non. Chris, ça, c'est pas mal notre tagline, là, je pense. Ouais, c'est ça. Que les sympas caractères mous. Je suis pas sûr si c'est lourd ou pas. C'est que ça. Tu je réponds. Mais il y a de quoi avec quelqu'un de perdu dans les rêves. Je trouve ça drôle. Mais moi, je veux qu'on finisse. Ben, pas drôle, mais je trouve ça correct. Je veux qu'on finisse cet arc-là, là. Ouais. Galaxy se réveille avant la fin de cet épisode-là, Carlis. Là, il y a une intrigue. C'est la première fois qu'on a une intrigue. Ouais. Faudrait enregistrer un dernier segment, man. Ouais, ouais, c'est sûr, parce que là, on a une heure et quart, mais là-dessus, il y a une demi-heure, faut que je coupe. Ouais, c'est ça. Faudrait un vrai segment de podcast. Ben, faut enregistrer quelque chose pour... Ouais. Parce que moi, j'ai deux affaires, c'est court, que le tabarnak, là. J'aurais dû trouver une question Yahoo. Bon, Hey, OK, check bien. Là, 54 à date, on va s'arranger que ça vole un peu plus haut qu'une bonne fontaine. Je vais aller sur le site conversationsstarters.com. Ah, nice! Il y a un bouton générateur. Okay. Je vais générer un topic. À quel âge considères-tu quelqu'un vieux? Là, je l'ai traduit à mesure, là, c'est... 65? L'âge de la retraite? Ah, ben, j'allais dire 50. 50, ouais, mais Chris, il me semble 50, c'est... Ouais. Mais il me semble 50, ça aussi... sonne proche encore de 40. Puis on dirait 40, dans ma tête, c'est pas tant vieux. Ouais, mais il y a peut-être aussi. Moi, c'est. Je sais pas, il y a aussi le côté physiquement. Dans le sens, si quelqu'un peut avoir 60 ans puis pas avoir l'air vraiment vieux. Mais la question, pas, c'est. Moi, dans pas ma ça. Tête. Ouais, parce que dans ma tête, quelqu'un qui a l'air. Quand tu dis quelqu'un. Quand j'assume quelqu'un est vieux, je pense qu'il est vieux, c'est pas juste l'âge. Non, c'est quelqu'un qui a une shape de crevette, puis qui regarde à terre, qui a une marchette, qui a les cheveux blancs, puis qui tremble. Puis ouais, il parle. C'est ça. Hey, bingo! Ouais, mais là, lui, il est sûrement plus 80. Ça, c'est plus vieux. C'est une autre catégorie. C'est une catégorie de plus, ça. Tu peux être avant ça, tu peux être ne pas là, puis être vieux. Hein. Ouais. Tu t'es des cheveux blancs, ça, absolument. Les dames se teignent maintenant, ils ont plus les cheveux gris, là. Ouais, les dames. Les dames, les vieilles dames. À quelle heure je deviens une vieille dame, une dame? Une vieille dame, c'est genre 70, on dirait. Ouais? Ouais. 60, c'est pas une vieille dame? Moins. Ça dépend, ça a bien vieilli. C'est là que ça rentre, le... Ouais. L'âge un peu. Parce qu'il y en a des madames de 60 ans qui ont pas l'air si vieilles, mais il y en a des fois, genre, qui ont l'air toutes décalées. Mettons qu'on aurait à faire une moyenne, faut trouver l'âge... pile. Genre on se dit comment, ok, c'est pour ça que c'est 65. 65? Ouais. Ouais, c'est bon, ça, c'était mon premier guess. Fait que, vous l'avez entendu au service du caractère mou, épisode 54. Quand on est à 65 ans, vous êtes un vieux calice. Écoute, si à 65 ans, si quelqu'un de 65 ans qui écoute ce podcast-là, vous êtes cool. Vous êtes la personne la plus cool. Vous êtes plus cool que Chester Cheetah des Cheetos. Ouais, c'est ça. Je vais repaiser sur le bouton Generate Another Random Topic. D'avant d'accent de calice. Là, je veux bien la formuler en français. C'est quoi le plus long laps de temps que tu as resté réveillé? 36 heures, je pense. Pour un game jam. Moi, ouais, c'est ça. Moi, je sais pas. Je pourrais même pas te dire. J'ai sûrement déjà fait une nuit blanche. Mais tu sais, ouais, j'ai dû me coucher tôt le lendemain. Fait que ça doit pas te topper plus qu'une trentaine d'heures. Là. Ouais, c'est ça. Mais non plus. Rien de bien impressionnant. Là, j'ai pas. C'est ça, Chris. C'est ça. Là... Ça compte-tu pas te rappeler de t'être couché? Ça... ça compte-tu pas s'avoir réveillé? Tu comptes-tu être mort? Bonjour! Non, pourquoi? C'est personne, ça. Même pas un début de personnage. Je suis la mort. Bonjour, je suis la mort. Merci tout le monde, c'était ma dernière imitation. C'était l'imitateur de tantôt. C'était un callback. Je repasse une dernière. On peut pas en faire 4-5 autres. Ah non, une dernière, sinon on se trouvera un autre. Tu voudrais-tu savoir la date à laquelle tu mourrais? Attends, la date et l'heure. Hey, je le sais pas, man. Parce que, un côté, genre, d'une part, moi, oui. Mais c'est, t'as le risque tout le temps que ça soit bientôt, genre. C'est comme, oui, si ça me dit que c'est genre à 70 ans. Ouais. Mais non, si ça me dit que c'est dans 6 mois. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance. Moi, je pense. J'aimerais pas ça parce que. On dirait que quand. Je suis facilement. Déstabilisé par une date ou par un deadline. Ouais. Je sais pas comment dire, mais tu sais, quelque chose qui arrive, là, même. Ben là, c'est plus à petite échelle, mais tu sais, quelque chose comme. Ah, à 4 heures, il va se passer telle affaire. Puis là, il est 2 heures. Mais là, vu qu'il va se passer ça à 4 heures, je suis comme, je vais pas rien entamer, fait que je fais rien. Ouais, c'est ça. Ça, c'est à petite échelle. Fait que tu sais, sur une vie complète, je vais-tu faire comme, ah, ben, je vais mourir à un moment donné. Fait que, tu sais, il est comme, tu sais. Ouais, mais en même temps. Mais je sais pas, tu sais, si tu te dis. Si tu sais que tu mourras pas avant. Ouais, mais. Tu peux, dans tout ce que tu vas faire. Tu sais, dans le sens, on se dit pas de la magie, là. Si tu vas te crisser en bas d'une falaise, j'imagine. C'est vrai, mais je pense si on s'entend dans la fantaisie, à mon avis, tu serais pas capable de te tirer en bas de la falaise. Genre, sûr que t'aurais trop peur si quelqu'un t'arrête ou des trucs comme ça. Ah ouais, c'est ça. Mais sais-tu d'abord la date que tu meurs, sais-tu. Ouais, c'est parce que tellement, tu sais, si ça dit que tu meurs de vieillesse ou de maladie, tu sais, ou. Mettons que. Je sais pas. Tu sais, j'allais dire si tu. Ça dit comme. Ouais, parce que t'es malade. Ouais, c'est ça, tu peux rien faire. Mais tu sais, si mettons, c'est parce que t'as une maladie quelconque ou parce que t'es pas en bonne santé, genre, tu peux-tu. Y a-t-il un tournant que tu peux prendre avant qui va affecter? Je pense. Faudrait en fait, c'est pas une feuille. La date de ta mort, faudrait pas que ce soit une feuille, faudrait que ce soit une application. Puis, elle change selon qu'est-ce que t'as fait dans la journée, genre. Fait que là, t'es à matin, tu fais quand? Ok, tu meurs à 66. Wouah, c'est jeune, mais écoute, fuck it. Là. Puis là, tu commences à t'en plus frites qu'un glacé, puis tu fais plus attention de rien. T'en regardes une semaine après, tu meurs à 48. Oh, Chris. Bon. Non, moi, ouais, non, j'aimerais mieux une date précise si t'es faite avec. Genre, autant risqué que ce soit bientôt, mais au moins. Au moins, tu le sais que c'est ça, puis peu importe ce que tu vas faire, genre, t'es comme, là, tu peux risquer, peu importe, tu sais que tu mourras pas. Ouais, qu'est-ce que tu fais si t'écris 2 minutes, puis y a un gars qui se tape pendant que tu lis ta date? Ouais, mais ça la change pas, à mon avis. Dans ma tête, ça le change pas. Ok. C'est ça qui serait arrivé, peu importe, genre. C'est juste que là, tu le sais. Tabarnak, qu'est-ce que c'est de mauvais timing? Hein? Ouais. Ça devrait le dire, quand c'est même. C'est comme, tu cliques, puis tu meurs. Ouais, c'est ça, ben, c'est ça qui te tue, là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, le secret, c'est tout le temps écrit zéro, puis ça te tue. Ouais, ils sont tout le temps vrais, ça va exploser dans ton téléphone, dans ta face, puis tu meurs. On n'a jamais été faux. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment pour les reviews, par exemple. Ben, faudrait que tu dises à la personne. Ah, mais ça serait encore plus mystérieux, on dirait, genre, zéro download, zéro review, mais tout le monde en parle. Ah, ben, il y aurait des millions de downloads, en fait, mais zéro review. Ouais. À part si quelqu'un a un vieux iPhone puis l'application est pas compatible puis va Nesti, Charmy marche pas sur mon iPhone de 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça parle de même des gens qui ont des iPhones. Comment ça, mon Android qui flippe marche pas? Comment c'est ça? Chris? Je vais repasser un autre piton. T'aimerais-tu mieux entre pas être capable d'utiliser tes mains ou pas être capable de marcher? Pas être capable de marcher. Ouais, moi aussi, automatique, là, je peux pas Je peux pas vivre si j'ai pas de main, là. Mais non, c'est ça. Tout ce que je fais, autant à job que dans la vie, dépend des mains, là. Je peux même pas imaginer que je peux marcher et puis j'ai pas de bras, là. Ben, tu sais, j'imagine. Non, mais non plus. Dans le sens, en tout cas, j'aimerais mieux avoir des mains pour pire. Je vais faire, tu sais, le petit vélo, là, que tu donnes des coups comme si c'était une chaise roulante, mais ça a l'air plus sportif, là. Ouais, ouais. Ils vont faire ça. Ils vont avoir des petites pipes, là, puis ils vont faire comme, oh, tu t'entraînes, man. Ben oui, j'ai pas le choix, si je bouge tout le temps avec mes bras. C'est quasiment hot. Je m'entraîne à la vie. Je m'entraîne au gym de la vie. C'est ça. Mais ouais, c'est. Au gym de la vie. C'est quand même assez facile, là. Je sais pas. Ouais. Pourquoi tu penses que quelqu'un choisirait de marcher? Quelqu'un que ce soit un peu. Quelqu'un qui a un crissement clumsy avec ses mains, puis quelqu'un qui. Peut-être, mais quelqu'un qui marche tellement tout le temps. Des trucs avec tes mains. Ben. Qui peuvent être remplacés par la chaise roulante, mettons. Ouais, mais tu sais, marcher, c'est rare en chaise roulante d'aller te promener dans le bois. Ouais, mais essaye de faire n'importe quoi, pas de main. J'avoue que si tu te promènes dans le bois, tu t'enfermes. Tu tombes. Mais t'as-tu plus de main? T'as-tu des bras plus de main? Ou. Ah, ouais, là, ça serait différent. Ben, c'est un crochet. Dans la question, c'est pas être capable d'utiliser. Fait que j'imagine qu'ils sont paralysés, genre. Fait que t'as des esties de main molle. Ah, ouais. Ah. Oh. Ouais, tu pourrais quand même taper sur un clavier avec tes moignons, là. Ouais. Tu sais, tu te mets des cure-pipes pour pointer. Tu sais, ça tient les doigts, là. T'as des doigts qui pointent mou. Tu fais. Non? Tu es obligé de te crosser à deux mains. Ben, à moins que t'as flatte vraiment vite avec ton moignon. Je pense qu'il faut que tu sois capable de venir en faisant l'hélicoptère. Hein. T'as juste tes jambes. Les deux moignons, ouais. Imagine. Ben, peut-être. Pas mal ça, tu es capable de venir en fourrant un coude. Tant que ça frotte. Avec un peu de crise. Ouais, mais Chris, c'est pas confortable tant que ça. Là. Tu serais comme tout plié, tout croche. T'es comme. Yeah! Ah oui, mais c'est ça ou rien. Ben, flashlight tapé sur un meuble. Ah ouais, j'avoue. Mais il peut pas tenir! C'est vrai. Il faut qu'il tape ça quelque part. Ou il prend une ceinture, au pire, c'est plus créatif, là. Si j'ai on dirait que je parle comme si je ne l'avais fait. Ah bon, ben, je pense qu'on est correct, là, sur cette note. Attends, une dernière. Non. C'est quoi la dernière photo que t'as prise sur ton téléphone? Hey, bonne question, man. Moi non plus, je sais pas, je vais aller voir tout de suite. Photos. Ah, c'est une photo que j'ai prise par accident aux toilettes à Adja. c'est moi qui me torche. Non, c'est genre une photo de la poubelle à terre, mais c'est parce que c'est. En sortant mon sel, j'ai double-cliqué sur le... En arrière, ah, ça ouvre ouais, le... Ouais. Ça ouvre le shit. C'est quoi, toi? Moi, ma photo, c'est... Oh, on a un appel. Allô? Oh, hey! Oh, c'est Marcus. Marcus le cuistot. Oh, ouais. Hey, aujourd'hui, ma recette, je prépare ma grosse saucisse de Toulouse. Oh, hein, on la badigeonne. On la fait cuire, moi je la fais cuire dans la boîte. Vous mettez-vous de la crème, du vin, oh, comme de la ça. Crème, du vin, tout, les baguettes, le fromage, camembert. Moi je te cuis. Quel le vin que vous me conseillez? Le vin, j'aime bien le moussaillon du puits. Mon année préférée, c'est le 1937. On se trompe pas, 38, ça glisse pas. Le mec est mort. Décédé, mort, capote. mon conseil de la semaine. Oh, hey, conseil de la semaine, trop de la balle, oui. Oh, hey, conseil de la semaine, si tu bosses trop, il faut se reposer, prendre un petit vino et regarder tout bonnement les Champs-Élysées et les l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Et l'Arc avec de Triomphe. C'est mon conseil de la semaine, et c'était Marcus le Cuisto. Right. Bref, ma photo. Tu t'es en feu à ça, hein. Ma photo, c'était. Paquet de saucisses de Toulouse, Olimel. Ah, okay. Allez-y. parce que dans mes notes, tu sais, j'avais pas beaucoup de notes, hein. Mais dans mes notes, j'avais speech to text cellulaire, clusterfuck tour de l'île, policier fourré, puis grosse saucisse de Toulouse. voilà, nice. c'était décevant un peu, mais bref, non, j'ai une couple de notes que je peux passer vite en rafale. Ben, oui, ouais. Une fois qu'il est en rafale, là. Ça durera pas longtemps. Ah, mais ça sera pas long. Et nous, on a pas grand chose. Il y a 50 épisodes à peu près, j'ai parlé du film Aliens dans la suite de Alien 1. Ouais. J'avais dit que j'avais pas tant aimé ça, puis je l'ai écouté en fin de semaine, puis finalement, j'ai aimé ça. Nice. Donc, je l'ai réécouté, puis je fais comme, je me souviens pas tant du film. Fait que je pense que je l'ai juste pas écouté, puis j'ai vu des bouts, j'ai fait... Ouais, mais Alien, c'est lui de James Cameron. Ouais. Avec les militaires. C'est ça, tout, exact. Ouais. Mais ce nice. Coup-là, je l'ai vraiment aimé. Genre, c'est pas comme... Ah, ouais, non, il est super bon. Ah, c'est même pas comme... Ah, ok, il est un petit peu meilleur que je pensais. C'est comme, non, il est donc ben bon. Genre, pourquoi j'ai pas aimé ça? Ouais. Je pense que je l'ai juste pas écouté, puis j'ai juste chialé. Ouais. Fait que... C'est peut-être le 3 que t'as pas aimé, le truc qui est comme plus... Qui est pas catholique, mais un peu plus. Je m'en souviens pas tant des. Je me souviens pas de 3-4. Au final, je les réécoute aussi, ou mais. C'est le 4, je suis sûr. Mais bref, c'est juste pour dire, si quelqu'un a écouté les épisodes depuis le début, puis qu'il m'entend dire « Ah, Alien, c'est pas tant bon », ben là, je me rattrape, là, 50 épisodes après. Une autre note, hey, on a review iTunes 5 étoiles. Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile qui vous regardera. Fait que review iTunes qui date du mois d'avril, 21 avril, probablement qui date de tout de suite après l'épisode qu'on a lu des reviews iTunes, que ça faisait 3-4 mois qu'on n'avait pas fait. Puis quelqu'un a fait « Ah, ils lisent des reviews iTunes, je vais le faire. » Puis qu'on l'a oublié, ça existait. La raison est simple, j'essaie d'éviter iTunes le plus possible. J'aime pas tant cette plateforme-là. Puis comme j'ai pas d'iPhone, j'ai pas besoin de l'utiliser vraiment. Fait que là, j'ai repensé tout bonnement cette semaine de regarder. Mais c'est Yann Poirier de En Way Tabarnak qui nous a envoyé un 5 étoiles. Puis qui nous dit, à force de les plugger partout où je passe, je peux bien laisser un review. C'est n'importe quoi, c'est absurde. On comprend fuck all la plupart du temps. Mais c'est bon et il y a des choses que je vais répéter pour les 30 prochaines années. Puis c'est vrai, probablement que ça se passait dans les mêmes semaines, mais c'est vrai qu'il nous pluguait partout. Il a approché dans Parlons Palado puis au Spermatozoïde. Puis notre nom, il y revenait. Il est revenu au moins 2-3 fois à chaque fois. Puis je pense que j'ai dit merci sur Twitter, mais je n'ai pas parlé dans le show. Fait que bref, merci Yann, merci pour le review, merci pour les name drops. Du podcast Away Tabarnak. Je te name drop encore. Le podcast qui était là avant un podcast presque parfait. Fait que c'est la source pour les podcasts de relations de couple. J'imagine, quand t'es premier, d'habitude, t'es meilleur que les autres. Là. C'est comme ça. Ben que... oui, c'est même ça marche. Alors. Ben c'est ça. Nous autres, on est le premier podcast qui a le nom Sorbet dedans. Fait que clairement, on va être le top de ça. C'est un qui essaye d'autres choses. Là. J'ai pas de blague. Fait que pour moi, merci Yann. Yann, qu'on a rencontré d'ailleurs au Rose on Steam. Avait parlé, et ça, ouais. On avait parlé un on peu. On l'a-tu? Je pense que j'ai pas mentionné. Je sais que j'ai parlé des gars de Jamais Content qu'on avait rencontré, mais bref, il était dans la bunch de gens qu'on avait rencontré là-bas. C'était super cool. Hey, non, c'était manette de... On a l'appel. T'as pas de nom. Ok, allô, les services caractère mou? Ouais. Allô? Moi, je commence mon podcast, Les Sorbets pleurotes. Pense-moi vous torcher, moi. T'as pas envie? Je parle de trucs culinaires, des affaires qui goûtent bon. Vous autres, je vous écoute, ça goûte pas très bon. Comprends calisse rien. Ben, t'as pas aimé ça le bout que Mathieu se claque les orteils? C'est quoi cette niaiserie-là? Il sait pas quoi faire. Hey, moi, je vais préparer mes affaires. Je vais vous torcher. Ben, mon sorbet est bien meilleur. Ben, t'essaieras, Chris. On a 4 fans qui sont fous, ok? Puis ils vont venir te tuer chez vous, calisse. Hey. Jokes on you, j'ai pas de chez moi, je suis dehors, bye. Bon, ben, on a un indice. Non, c'est Itizon. Les sorbets de les pleurotes, c'est ça? Les sorbets pleurotes. Les sorbets pleurotes, excuse-moi. C'est quoi son nom? On sait pas. Ben, bref, les sorbets pleurotes, c'est un podcast de merde, j'écouterais pas ça. C'est ça. Tu sais, dans sous-écoute, il y a la nouveauté podcast de la semaine. Nous autres, c'est l'inverse. C'est le style podcast qu'il faut pas écouter de Chris, là. Ouais. Sorbets pleurotes. Si vous voyez ça passer dans un des groupes Facebook, là. Quelqu'un fait comme hey, écoutez mes sorbets pleurotes, on est donc bon. Vous comme faire envoyez des chiens, faites les vendicônes face fâchées, là. Il y a du monde qui peut faire ça. C'est ça. Là, faites comme hey, retourne chez vous, asti de. Ouais, Chris de. Perdu. Ouais, ça, pas d'affaire ici, toi, Chris. Okay, pas dire ça, là. Si vous avez pas d'idée, venez me voir, là. Vous pouvez dire genre hey, toi, pas sûr que je suis content que tu sois là. Hein. Ouais. Hey, ça finit sur une note assez folle. Hey, podcast pudding aussi, on n'entend plus parler de ça. Pourquoi podcast pudding, c'est pas plugé dans ces groupes Facebook-là? Ouais. Call out podcast pudding. Oui, je l'ai ri en crisse, la page Facebook, podcast pudding. Puis, tu vas-tu? C'est juste comme des jokes d'enregistrement de podcast, puis un gars qui a une photo de clé oubliée dans le char, puis j'ai comme, j'ai oublié mes clés dans mon char, je peux pas enregistrer. Comme, c'est drôle en crise. Là, il y a pas de follow-up à ça. Moi, je veux un... On dirait que j'ai envie que ça existe pour vrai, ce podcast-là. Mais c'est de quoi qu'on a sorti, ça? Ben oui, ben c'est toi qui as dit... Dans un épisode, genre... Extrait de l'épisode 47. Alors, au moins, on l'assume, puis on n'est pas entre deux. Pas qu'il y en a aucun. Ah, j'étais sûr que tu visais quelqu'un. J'étais là, non, qui tu parles? Non, personne. Vous pourrez... OK, ben, on parle legit de personne, mais en tout cas, si vous avez des idées... Ben, l'esti de podcast... Pudding. Hein? Chris, choisis donc un nom qui est plus ambigu. Hein? Français ou anglais, ton podcast, Monsieur Pudding? Ça existe pas, en fait. Que j'en... Mais bref, non, ça fait partie... Là, il y a ça qui se passe sur notre Facebook, qui est... Non, c'est l'inverse. C'est pas que t'essayes trop, c'est naturel. Genre, c'est ce qui sort naturel, ouais. Qu'on se souvient pas tellement qu'on y a pas pensé, tu sais. Non, mais c'est ce qui se passe sur notre Facebook, là. Il y a plein de comptes étranges qui commencent à nous parler. Mais moi, je trouve ça drôle, en crise. J'aime tellement ça. Tu sais, ça a commencé avec Monsieur Queer. Là, après ça, là, il y avait Podcast Pudding qui a rembarqué. Là, il y a... Jean-Guy, le roi des dinosaures, puis qui s'est fait envoyer chier par un certain Denis, puis un certain Denis qui était comme un faux compte qui en ont déjà parlé dans Divan Quest, genre l'année passée. Fait que ce faux compte-là, hier, je sais pas s'il y a entre tous les autres podcasts qui existent, là, ou genre, je sais pas s'il y a Switch, mais bref, tous ceux qui ont... Bref, c'est peut-être... Là, j'assume que c'est des faux comptes, c'est peut-être du vrai monde, là, mais tu sais... Bref, juste pour dire, j'aime ça... Je trouve ça vraiment drôle, tout ce style de patente-là. Tu sais, souvent qu'on est, on fait un peu un anti-podcast, ou tu sais, c'est un peu une parodie d'un podcast normal, on dirait, parce que ça se peut pas. Ouais. On dirait, ça fait aussi partie de ça, vu que ça se peut pas, là, genre, de ce petit monde-là, puis des faux projets, puis des faux univers fucked up autour de ça. Mais ça fait partie de l'espèce de... Je sais pas, ça crée quelque chose de le fun, ça crée un... Tu sais que tout est trop sérieux... On dirait, surtout ces temps-ci, là, comme en podcast au Québec, fait qu'on dirait que ça fait du bien d'avoir du fuck-all, puis du tout croche, là. Moi, j'aime bien ça. Il y a un appel, je pense. Tabarnak, hey, Sorbet du caractère mou, là, on va payer des données, là. Le gars de tantôt, hein. Oui, je suis encore perdu dans les sons. Galaxy, hey, là, il s'est, là, mais, t'étais sur une pomme tantôt, hein. Oui, exactement, mais il m'est arrivé une petite mésaventure, Après quelques bouchées, j'ai roté, mais vu que je suis dans un vacuum, je flotte et ça m'a propulsé, alors je tourne depuis tout à l'heure, j'ai un peu le tournis, on pourrait dire. Vous avez rien vu depuis tantôt, c'est du vide? Non, mais depuis tantôt, ça fait 3 ans. Tabarnak, what? Pourquoi t'as... Ça fait 3 ans que je tournais de moi, Stéphane. Mais pourquoi t'as attendu 3 ans avant d'appeler, je comprends pas. J'étais pas capable avant, j'ai essayé de t'écrire un poème. il a flotté ou tu l'as avec toi, là? Je l'ai gravé dans ma mémoire. Je veux entendre ça. Alors, ça se lit comme suit. Ouais. Je tourne, aide-moi. Allez à l'aide, Stéphane. Je tournoie. Bah ouais, c'est l'attention qui compte, hein, c'est pas... Voilà, c'était tout. Ça m'a pris 3 ans, j'espère que tu l'apprécies. Ben, tu sais... Ça, c'est le genre d'affaire. Si t'as pas de crayon, tu sais, tu veux t'en rappeler, tu gardes ça simple. Là, j'imagine que tu t'es répété ça en boucle. Là. 3 ans, mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Tu peux m'appeler? T'as-tu un téléphone sur toi ou t'as eu un téléphone qui flottait? Puis... Je ne sais pas. C'est quand je m'endors dans mon rêve, je crois. T'es dans combien de niveaux d'endormation de rêve, tu penses? En ce moment, c'est seulement 2. Après ça, je commence à voir un peu de choses étranges, comme des lumières qui flottent et plein de différentes géométries de couleurs qui arrêtent pas d'afficher sans arrêt. J'ai peur dans ces moments-là. Tu te concentres très fort pour imaginer quelque chose, tu vois rien? Attends, j'essaie. Oh non, j'ai fait apparaître un T-Rex, je crois. Il arrive avec ses légumes. Allez, je m'en vais. Ah, ben, c'est... Callback, ça, c'était atroce. Callback à non seulement tantôt, mais à l'autre épisode, c'est la pochette, c'est un T-Rex avec des légumes. Yes. Là, c'est-tu le même T-Rex? C'est comme mon T-Rex qui t'aurait donné des légumes dans ton rêve. Non, mais lui, il a peut-être écouté l'épisode avant... Pis il rêve à ça. Ah, ouais, là, ouais, ça se peut, hein. Ouais, parce qu'il peut pas avoir écouté lui, il existe pas encore. On est en train de le faire, ouais. Ouais, mais ouais, il est pas sur le fil des dans le monde. Hey, ça fait 3 ans, moi je pense qu'il a pas. Plus ça va aller, même plus il va savoir des choses. Ouais, mais là, si ça fait 3 ans, puis il appelle à ce podcast-là, il y avait. Man, la semaine prochaine, là, il va avoir genre 150 ans, genre. Oh, c'est Galaxy! Ben, regarde la même voix, il est juste, mais ça fait 150 ans que je tourne. En tout cas, on va arrêter de le développer. Ouais, mais si ça s'appelle Galaxy, gardons-le. Tu peux avoir la même voix, puis c'est clair. Là. Galaxy, il n'y a pas un band qui s'appelle Galaxy. Sûrement. L'affaire du Dance Floor Maléfique. Je sais qu'il y a un gars qui s'occupe des. Qui a une émission de chat. Ouais, ben. Il y a une émission à Animal Planet. Il y a toujours juste non, vous avez ceux qui s'occupent des animaux. César, puis. Ouais. Fraction Galaxy, là. Jackson. Ben, excuse-moi ça. Bon, hey, sur cette note farfelue. Intersidéral. On fait-tu nos calls de fin d'épisode? Ouais, on a-tu? Ben, les affaires d'habitude, là. Ah, ben oui, toi. Tu l'es, puis je vais t'enregistrer sur le speech to text. Ouais, ça devrait être drôle. Okay. Ça va être drôle. Hey, Mais ouais, si vous avez aimé ça, likez notre page Facebook ou sinon, suivez-nous sur Twitter. Stéphane est vraiment actif sur Twitter. Plus ça va, plus les blagues sont drôles, man. Il y en a de plus en plus qui me font rire. Ben, c'est... La nonavoute, elle m'a fait rire. Mais ça, le pire, ça, là, c'est une vieille joke que j'ai déjà mis, que j'ai mis sur une pochette de podcast. Là, puis là, je me souviens plus de quel. Je vais te dire ça tout de suite, là. Ah, lui avec les oui, c'est lui avec les tapes. La quenouille au gré des vents. L'épisode 45. Puis sur les tapes, sur les VHS, il y a des titres, dont la quenouille au gré des vents, la petite sautée des études, le pupi de papa. Puis en bas, t'as la voûte à noun du Nunavut. Fait que cette joke-là date du 10 avril. Ah, ok. Je l'ai retweeté parce qu'il y a fucking personne qui a réagi à ça sur la pochette, là. Sinon, ben c'est pas mal ça. Sinon, on a notre site web, mais tu sais, il y a les épisodes. Si vous l'avez écouté, vous savez déjà où c'est. Ouais, exact. Ben là, le site web, caractermo.com, il est un petit peu moins lettre, là. Ben il est encore lettre, là, mais tu sais, il y a un. C'est un blogger, là. C'est cheap as fuck, là. Puis là, c'est juste que blogger ont sorti des templates qui ont pas l'air d'avoir été faits dans les années 2000, là. Mm-hmm. Fait que là, ça a l'air juste une petite coche plus clean, là. Tu sais, l'espèce de look Squarespace, mais. Not quite, là. Ouais, c'est ça. C'est juste un peu off. Ouais, c'est ça. C'est comme, ah, il y a un pote. Non, Chris, non. Non, c'est comme des réglisses sans nom. Puis des. Ouais, c'est off-brand, là. T'sais, tu vois, ouais, tu vois comme... que c'est la version gratuite là, de quelque chose. Là. C'est ça. Mais c'est pas grave. Bref, le site là-dessus, il y a tout, là, les épisodes, les Twitter, les Facebook. C'est facile à trouver. Nice. Cool. Fait que à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et juste avant qu'on se laisse. Je vais lire ce que ça a donné tout ça dans le speech to text. Ça va être... Ah, mais fais le... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, puis après ça, on peut lire ça. Ouais? OK, ben, je vais mettre la chanson thème, puis on va dire bye, puis je vais le lire après. Bye! Bye tout le monde! La tonne à joue, là, arrête. Là, c'est que ça monte tout le temps. Il y a le beat de drum, puis là, à un moment donné que je finis de parler, puis ça part. Mais pas là, mais ça, je vais finir. Là, je finis de parler, ça va rester là. OK. Arrête de crier la page Facebook et sinon 7 sur Twitter, Stéphane est vraiment excellent sur et plus salope les blagues sont drôles de manière de plus en plus. Ils ne font rien GBE moins et je sais ça va avec, mais ils ne le pire sur et je t'aime vieille Joe. Quoi? Que j'ai non, et je attends, me dis que le c'est... Le pire sur et je t'aime vieille Joe. Que j'ai et je me dis que c'est que j'ai mis sur une pochette de un peu casse le plus, je sais plus ce qu'elle veut dire, 708-6, avec les et il est citoyen de la comparer au gré des 26 ans, 6 épisodes et 43 sur 3 types bébés. Son lait et j'ai 6 des 10 dans la gueule et comme un crédit 20, la petite sautée des études, le limiteur ça, de papa. Ça, il a mot pour mot le titre de la cassette puis le reste c'est fuck off. Il en bas de la défense, on dit, mais vous faites genre que la date de Sandrine a qu'à dire Twitter parce qu'il a fait une personne que c'est et c'est en... À ce moment, ça sent le net. C'est toi, mais il y a des épisodes, là, écoutez, vous savez déjà où ce point elle est sur Twitter, bah 4 ans au point, comme il est un petit peu moins français, un japonais. Et c'est un 5... Un petit peu moins français, un japonais. Et c'est un 5, le fit parfois, on y a laissé ses blagues, on sortit être une plaie en parlant d'un éléphant. Et 2005 a fait ça, je chante comme je l'ai dit, c'est espèce de lock school space. Mais Emma, ouais, ça c'est quand il y a un pote alors qu'il n'en est rien, que son nom est moins cher dans ce film. C'est la version gratuite de quelque chose. Bref, le 7, là, y a-t-il d'autres là et les années? Sacrement, hein? Et Chris, hein? Malade. Ciao! Fait que, ouais, bye, merci. Salut tout le monde! Bienvenue à l'esti de podcast qu'il faut pas écouter de Chris de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un podcast vraiment, vraiment, mais vraiment mauvais. C'est ridicule, ok? C'est le pire podcast que j'ai jamais entendu de ma vie. Ça s'appelle les Sorbets Pleurotes. C'est pas disponible sur aucune plateforme. Puis tant mieux, Chris, parce que pour vrai, là, c'est de la crise de merde. J'ai quand même trouvé un fichier MP3 quelque part sur un serveur perdu. J'ai commencé à écouter ça. Faites Chris, je peux me rentrer des fourchettes dans les yeux tant qu'à continuer. C'est mauvais. Les animateurs, ils sont pas bons. Le son, ça sonne le cul. On dirait que ça a été enregistré dans le derrière d'un hippopotame. Puis après ça, compressé x 1000. C'est vrai.